Ah nous ça va. On fait plaisir aux madames, on fait danser aussi tam tam. Bibous mon pote, pote à pour danser gars. Un petit coup à droite, à gauche, allez prends ça pour toi. Bibous mon pote, pote pour danser gars. On fait plaisir aux madames, on fait danser aussi tam tam. Bibous mon pote, pote pour danser gars. Un petit coup à droite, à gauche, allez prends ça pour toi. Bernadette c'est insolite, si bombe, il y a une belle danse dans ce gars. Y'adore, y'adore, fait la fête. Son petit yeux la bouquette, mon pote, pote, dit à moi, François, donne la main, viens bouge ton petit coco de pain. Bernadette la connie, la quadrille, tous les soirs, il rêve dans son lit, un petit cadence, il fait dans sa lit. Avec un petit lambiance comme t'as longtemps, il voudrait à moi comme cavalier, parce que mon pote, pote, il donne paquet. Allez, il bouge mon pote, pote. Pour danser gars, pour faire plaisir aux madames, pour faire danser aussi tam tam. Bibous mon pote pote pour danser gars, un petit coup à droite, à gauche, allez prends ça pour toi. Bibous mon pote pote pour danser gars, pour faire plaisir aux madames, pour faire danser aussi tam tam. Bibous mon pote pote pour danser gars, un petit coup à droite, à gauche, prends ça pour toi. Bouge mon pote pote, Bernadette, Bernadette, regarde comment elle est chouette. Bernadette, Bernadette, il bouge mon pote pote, Bernadette, Bernadette, allons faire la fête. Dans si maillas, baptême, communion, Bernadette l'est toujours présent. Y'a pas eu son petit coup de rêve devant. Toute bonne amie essaye d'accoster, mais Bernadette a sorti de sa tête. L'itibana a les yeux canettes. Elle dit à moi, viens de si la pisse. La musique là, quand est au Nice, la commence et nous ça fait le vis. En l'air, mi ça lève mon joli casquette. Mi roule, mi bouge mon petit pote pote. Elle y rit, elle trouve ça les chouettes. Mi bouge mon pote pote pour danser gars. Pour faire plaisir aux madames, pour faire danser aussi tam tam. Mi bouge mon pote pote pour danser gars. Un petit coup à droite, à gauche, prends ça pour toi. Ce gars, pour faire plaisir aux madames, pour faire danser aussi tam tam. Bibous mon pote pote pour danser gars, un petit coup à droite, à gauche, fera ça pour toi. Envoyez Bibous mon pote pote pour danser gars. Pour faire plaisir aux madames, pour faire danser aussi tam tam. Bibous mon pote pote pour danser gars. Un petit coup à droite, à gauche, allez prends ça pour toi. Bibous mon pote pote pour danser gars. Pour faire plaisir aux madames, pour faire danser aussi tam tam. Bibous mon pote pote pour danser gars. Un petit coup à droite, à gauche, prends ça pour toi.